Hola, la música, el programa de música en francès que obre les seves portes a partir d'ara. I com fem, habitualment, i també aquesta és una proposta musical que ens parla de música per començar el nostre espai. És amb la François Hardy que ens aporta aquesta cançó que parla de música. Benvinguts i benvingudes a un programa, ja us ho haig de dir avui, molt eclèctic. L'artista parisina, la François Hardy, ens aportava aquesta cançó que escoltàvem, una peça que ens acompanyava en aquests primers instants al nostre programa, una nova edició, com us hem comentat, en Tola la Música, el programa de música en francès. Un espai que us acompanya amb aquesta nova temporada i que arriba al seu programa general número 126. I que ara mateix ens acompanyarà. Us he dit un programa eclèctic avui perquè farem cas amb alguns dels nostres oients, amb alguns àlbums de la passada temporada, peticions que ens havien anat arribant, que no vàrem arribar a complir amb el seu moment, i avui n'escoltarem algunes. Com per exemple, d'en Charles, que ens demanava un disc en concret, el del 1999, la darrera edició abans de l'any 2000, a càrrec d'una formació que també ha estat moltes vegades present amb el nostre espai, les Enfoguers, i amb aquest disc, nosaltres seguirem amb els propers minuts, amb ells, amb els Enfoguers, amb tot el grup, amb amb una cançó que és Menemois, però després també escoltarem els duets entre Charles Aznavour i Muriel Robin, Vanessa Paradis i Etienne Dao, Lian Thuram, amb molta altra gent que els acompanyava, amb el Petit, Vicent Lozarasso, Christian Carambots, etc. La Patricia Cas, amb Patrick Fiori i Garú, i també Pascal Obispo i Alain Segarra, amb diferents cançons d'aquest àlbum que us portem des del 1999. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Et je vois dans les bras l'amour qui comme un fou court devant le moi et je me prends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur rêve. Moi je rêve jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. À beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Je travaillerai dans la soute à charbon. Prenons la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles allant qui vous ravissent le cœur en dressant maton des écoliers de fleurs qui ont dit. Je fuirai laissant l'amour passer sans aucun remords. Sans bagage. J'ai le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi.

c'est ça, il ne me croirait pas. Je ne veux pas annoncer la couleur. Entre toi et moi, je vois les mois. Quand il comprendra ça. Que je t'aime. Dis-lui, dis-lui, redis-lui quand même. Et dédie-lui ce poème. C'est le never, non jamais, à plus jamais. Dis-lui, toi, que je t'aime. Bien sûr, on en revient toujours au même. T'aimes insoluble, c'est vrai. C'est toi que j'aime pour de vrai. Tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Entendez-vous dans les campagnes rugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras. Égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Pensez pour nous à quel outrage, quel transport il doit exciter. C'est nous que l'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Aux armes, etc. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Moran a plongé nu dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi. L'église en granit, elle est Marie, Maureen a dit oui. Et de Tipperary, Ballyconnery et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les canards, les O'Connelly, les Flaherty, de Rick O'Carry, et de quoi boire trois jours et des nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. On y croit encore au monstre des lacs qui voit nager, sortir sur l'été et replonger pour l'éternité. Oh, on y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois et celle des rois d'Angleterre. Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. tu appelleras 100 fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre. Tu t'entendras hurler. Que les diables l'emportent. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Elle n'en sort plus de ta mémoire. Ni la nuit ni le jour. Elle danse derrière les brouillards. Toi, tu cherches et tu cours. Cherche et je cours. Jusqu'aux heures où personne n'écoute. Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route. T'en passeras des nuits à regarder dehors. C'est écrit. Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. En Charles ens en demanava i nosaltres l'hem escoltat, cançons d'aquest disc. Un disc que seguirà amb una altra petició que ens va fer arribar en Tomàs, de Girona, fa també uns mesos enrere. I era un disc de l'any 2003. Si recordeu, en un dels nostres programes vam descobrir, també gràcies a un dels nostres oients, redescobrir, diria jo, la música de Yannick Noah. Doncs bé, des del seu àlbum Pokhara, el va editar el 2003, també avui escoltarem música. Per en Tomàs, per tots els oients, dona la música. Mon frère, ce que je trouve là-bas chaque fois, le rythme lent de la terre où les vies passent doucement pas à pas. Si tu savais, mon frère, ce qu'ensemble veut dire là-bas, au cœur des monastères, les dieux s'inclinent devant tant de fois. Ici nos âmes sont grises, les gens ne se regardent pas, nos sentiments s'enlisent et l'on ne voit que ce que l'on n'a pas. Eux, tu sais, quand ils disent pas besoin de signer en bas, chaque matin, chaque brise, c'est ton corps qui parle pour toi. Si tu savais, mon frère, je me retrouve quand je suis là-bas, dans le chant, leur prière, où j'aime tant mêler ma voix. Si tu savais, mon frère, comme chaque jour est fort là-bas, les bonheurs, les misères, tout se partage, même le moindre repas. Le pain et les chimères, la peur de l'au-delà, juste offrir et se taire, sans réfléchir, juste comme ça. La crainte du tonnerre, la mort qui vient déjà, c'est tout leur univers qui partage simplement avec toi. Si tu savais, il suffit de donner. Si tu savais, aimer c'est partager. Si tu savais, il suffit de donner. Chance, on peut partager. danger. Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer. Fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer. Tu dois tout changer. Espoir d'avant, je repars jusqu'à dire je peux remonter le temps. Comme nu au début, au tout premier cri, je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera comme ça. Je reprends, réapprends à être vivant. La chaleur, la douceur, je recommence autrement. Le plus beau, quel que soit le prix. Je sais ce qui me suffit. Du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi. Du soleil, mon Eldorado, au creux de ta peau, et la vie coulera. Comme l'eau, comme l'air, comme tout ce qu'on espère, tout ce qui nous est nécessaire. Comme toi, comme nous, tout ce qui est doux et normal, et qui peu à peu nous devient vital. Et la vie a... Els que ja tenim una certa edat el recordem com a excepcional tenista, extenista professional, nascut el 1967 a França i que també va ser cantant francès. Va guanyar Roland Garros el 1983 i un dels millors tenistes que ha donat aquest país. La seva afició per la música ja arrenca també de ben jove, però no devia ser fins després de deixar la carrera artística, òbviament la carrera professional de tennis, que va iniciar la carrera com a cantant amb el Black and White el 1991 i va tenir prou cançons que van triomfar, com aquell Saga Africa, el Get on Back o el Simon Papatara, que també escoltàvem, i després cançons cantades en francès amb àlbums com aquest Pocara del 2003. En Tomàs ens ho demanava i avui hem escoltat els tres singles que es van extreure d'aquest àlbum, més la darrera cançó de l'àlbum, que és una peça també realment interessant. Jo avui, però, m'agradaria més quedar-me amb una altra de les cançons d'aquest disc, una cançó que es deia Tot el món, tout le monde. L'escoltem també en la veu de Yannick Noah. La Music amb Rafael Corbí. Ah. Anem acabant la resta final del nostre programa i enviant-nos la música. La Joana, des de Sant Boi de Llobregat, ens en demanava més cançons d'una intèrpret que li encantava. Bé, fins al final del programa les escoltarem. Cançons d'aquesta jove vocalista francesa nascuda el 1946 a Mossac, és la Caroline Costa, i que ens acompanyarà amb alguna de les seves primeres cançons en el programa d'avui. Pour lui, je suis la route. c'était ça qui tient à l'emmener plus loin que les jours et les nuits, que nos vies d'aujourd'hui, puisque j'en rêve aussi. C'est déjà trop tard, j'ai dit. Acabem el programa d'aquesta setmana, aquest programa eclèctic, amb aquestes tres peticions dels nostres oients que ens han portat a escoltar la música de Les Enfoguers, de Yannick Noah i de Caroline Costa, amb aquestes darreres cançons. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, la propera setmana més, aquí al nostre espai. A reveure.